Depuis la fin du 19e siècle, l'Église mormone poursuit une quête pour le moins grandiose, celle de reconstituer l'arbre généalogique de l'humanité. Cette quête a donné naissance à la vaste industrie de la généalogie. Qui n'a pas déjà vu passer les publicités de compagnies comme Ancestry ou FamilySearch qui nous invitent à découvrir notre lignée familiale? Les données mormones ont d'autres ramifications, parfois insoupçonnées. Elles ont notamment ouvert des portes aux scientifiques et plus précisément aux chercheurs qui étudient le cancer du sein. Avez-vous déjà entendu parler de BRCA1? C'est un gène, désormais fameux, qui, s'il est affecté par des mutations, augmente les risques de cancer du sein. Eh bien, sans les données de l'Église mormone, il est probable que nous en saurions beaucoup moins aujourd'hui sur un cancer qui reste la deuxième cause principale de décès chez les Canadiennes. Religion, cancer, génétique, généalogie, comment tous ces morceaux s'imbriquent-ils dans la même histoire? Ici Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef du magazine Québec Science. Aujourd'hui, nous plongeons dans une épopée fascinante avec notre reporter Sylvain Lombroso. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Alors Sylvain, tu as récemment fait une virée à Salt Lake City, autrement dit le Saint des Mormons. Tu nous racontes? Alors oui, quand je suis allé à Salt Lake City, on m'a prévenu que les Mormons avaient essaimé et que des scientifiques avaient bâti leur propre base de données avec des informations qui provenaient des Mormons. Et j'ai trouvé ça vraiment intriguant, cette passerelle entre la science et les croyances religieuses. Alors j'ai demandé quelle découverte ça avait permis. Et on m'a tout de suite dirigé vers l'identification du gène dont tu as parlé, le gène BRCA1. Alors BRCA1, c'est pour Breast Cancer, cancer du sein. Et on m'a parlé de ce gène et de ses mutations qui laissent les tumeurs se développer chez les femmes. Alors comme je sais que c'est une maladie, comme tu l'as dit, qui tue énormément de femmes partout dans le monde, même au-delà du Canada, j'ai choisi de creuser cette histoire. Et là vraiment, j'ai pas été déçu. Parce que c'est une épopée scientifique, une vraie, qui m'a vraiment fasciné. Parce qu'elle a à la fois de grandes répercussions sur la santé humaine, mais pas seulement, comme vous allez le comprendre, elle a aussi empêché que l'on brevette le génome humain, rien que ça. En effet, peux-tu revenir expliquer à nos auditeurs un peu l'histoire de cette découverte? Alors, nous sommes là au début des années 70. Il y a un jeune scientifique qui s'appelle Mark Skolnick, qui est étudiant à Stanford, en Californie. Sur sa route scientifique, il va croiser des universitaires qui viennent de Salt Lake City et qui lui proposent d'exploiter les données généalogiques des Mormons à des fins scientifiques. Alors, pour rappel, donc, les Mormons ont noté leur généalogie sur des documents papier, comme leur a demandé de le faire leur leader spirituel, Joseph Smith. Et ça, dès le début du 19e siècle, parce qu'ils veulent utiliser ça pour baptiser leurs morts. Donc, ils appellent ça des ordonnances du Temple. Alors, ce commandement, en fait, de Joseph Smith a incité les Mormons à tout noter. Et il se trouve donc qu'il y a un médecin mormon qui a choisi de répertorier dans un grand registre tous les morts du cancer avec leur nom et puis la spécificité de leur cancer. Mark Skolnick, lui, il a l'intuition qu'en croisant donc les deux fichiers, le fichier des généalogies mormones et le fichier des cancers, il va pouvoir identifier des familles à risque, c'est-à-dire des grappes de familles où il y aurait un risque d'avoir des cancers. Et c'est ça qu'il veut analyser. Avec la technologie de l'époque, c'était pas aventureux de se lancer dans cette entreprise? Ah oui, vraiment, c'était très aventureux. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre un peu après, parce qu'on a réussi à retrouver Mark Skolnick. Alors aujourd'hui, il est à la retraite, il a 72 ans, il vit paisiblement en Californie. Mais quand on lui parle de cette épopée, eh ben, il retrouve vraiment son énergie, vous allez l'entendre. Il va revenir sur toute cette histoire, parce que, en fait, ce qu'il a marqué, c'est qu'au début, quand il a eu cette idée de croiser les données généalogiques et le registre des cancers, en fait, il a essuyé un refus de sa hiérarchie, parce que nous sommes au début des années 70, et en fait, à l'époque, on présuppose que les cancers ne peuvent pas venir des gènes. Mais lui, il en est vraiment persuadé. Donc, va-t-il réussir finalement à obtenir le financement nécessaire pour se lancer dans cette recherche? Eh bien, oui, vous allez l'entendre. Il a, vous allez comprendre, un peu modifié sa demande de fonds. D'ailleurs, on va l'écouter à ce sujet. Oh, by the way, I was not, when I wrote the grant, allowed to use the word gene or genetics in the proposal because I was told don't do that. So it was called cancer incidence and risk factors by kinship. I wasn't allowed to suggest the genes were involved because everybody knew that cancer was an environmental disease. Donc, à l'époque, Marc n'a pas le droit de parler de gènes parce qu'on est persuadé que le cancer du sein vient uniquement de facteurs environnementaux. Oui, c'est exactement ça. Et alors, il y a aussi une autre prouesse, c'est qu'à l'époque, il faut convaincre tout le monde de consacrer une grosse partie du financement pour acheter un ordinateur. Oui, vous avez bien entendu, un ordinateur, pas un parc informatique. L'idée, c'est d'utiliser l'informatique naissante pour gérer au mieux les fichiers de noms, pour ne pas tout traiter à la main. Et Marc va nous expliquer en quoi c'était compliqué d'utiliser l'informatique, en quoi les ordinateurs étaient si rudimentaires. Project your mind back on computers in this time. There were no databases. There were no spreadsheets. There was no software. There were no editors. There was no word processing. There was nothing. There was a computer. And that was it, basically. So I said, we need our own computer. So we actually, in this grant, put in about $100,000. So imagine this, $30,000 for a 25 megabyte disk. Alors, Marc nous rappelle qu'à l'époque, les ordinateurs, et comme tu l'as précisé, Sylvain, ils sont chers, ils sont rudimentaires. C'est impossible de faire appel à une base de données. On n'a pas des logiciels comme Excel, on n'a pas de traitement de texte. Et dans sa subvention, il demande la bagatelle de 30 000 $ pour un ordinateur de 25 mégaoctets, soit à peu près l'équivalent aujourd'hui de 500 000 gigaoctets. Alors, Marc, pour faire cette mission, il a dû évidemment recruter une équipe. Parce qu'avant d'arriver à la saisie sur l'ordinateur, il a fallu photocopier chacun des documents, donc les fameuses ordonnances du Temple des Mormons, et surtout les classer. Et donc tout ça, c'est une femme qui a exécuté cette mission à la main. Donc elle a quasiment passé 2 ans donc à photocopier les documents et puis ensuite à tout relier et à mettre ces documents dans des livres classés par ordre alphabétique et par année. Alors quand Marc m'a raconté ça au début, j'étais un peu dubitatif. J'avais du mal à imaginer cet annuaire géant contenant des centaines de milliers de personnes, le tout écrit à la main, rangé dans des dossiers. J'avais du mal à me figurer que ça pouvait exister. Je t'avoue que je suis aussi un peu sceptique, bien que si tu es ici, je te crois sur parole, mais est-ce que tu as des photos qui t'ont permis de vérifier tout ça? Non, j'ai mieux que des photos, c'est-à-dire que j'y suis allé. Donc, quand on était à Salt Lake City, j'ai demandé à visiter l'endroit où tous ces dossiers sont stockés. La base de données de la population de l'Utah, donc qui gère ce projet, est accessible. Donc, j'ai pu effectivement contacter les scientifiques qui gèrent cette base de données de la population. Et qui ont bien sûr entreposé toutes ces archives. Donc ils m'ont autorisé à faire cette visite. Alors concrètement, ça se situe à l'université de Salt Lake City. Salt Lake City, c'est une ville proche des montagnes. C'est une ville qui a plus de 1200 mètres d'altitude. Et là, l'université, elle est vraiment nichée sur un des sommets. Donc c'est assez haut dans la ville. On a une très, très belle vue. Et alors là, on va écouter... En fait, cette visite qu'on a faite, parce que vous allez écouter, il se passe des choses étonnantes là-bas. Donc, on va être en compagnie de deux scientifiques de Salt Lake City, Allison Fraser et Diana Lane Reed, qui sont un peu en charge de ce temple où il y a tous les noms des Mormons enregistrés. Et donc, vraiment, elles sont très sensibles à l'importance de la préservation de ces documents. On va les écouter à l'entrée du couloir qui mène aux archives. There are about 1.6 million people represented in these books. It's a national treasure. It's unique in the world. It smells like a library. Yeah. So when we said books, we meant books. We meant big books and lots of them. And I'll show you the ones. These are people. So they're filed according to the year they were born and their last name. And so I can show you, these people were born before 1840, so I can be sure that they're dead. Okay, yeah. No privacy issue. Just show you. So you have the father and the mother, and the father's birth date and death date and marriage date to the mother, and then you have the father's parents' names. and sometimes you have additional wives listed, and then you have all of the children listed and their birth date, where they were born, their death date, and then who their spouses were. Attends, est-ce que j'ai bien compris? D'abord, on trouve 1,6 million de noms dans ces livres. Et puis d'après ce que je comprends, on trouve aussi des traces de familles polygames. Oui, Marie, je te confirme, tu as bien entendu. Les Mormons ont, par le passé, encouragé la polygamie, avant évidemment de se raviser. On va écouter la suite et vous allez comprendre en quoi, cette ex-polygamie, scientifiquement, a créé des conditions intéressantes pour les études. And then if the husband had multiple wives, you would get multiple pages for that husband with each of the wives. So this actually is sheet one continued on sheet two. This man had quite a few wives. One, two, three. This I think is a continuation. Four and five. Six wives. You know, they're the fact that they had so many children, and that it was like part of the religion to have so many children. That was like an edict to go out and spread the news of the church by having more children. That also makes this so rich and so different from somewhere else where people only had two children or three children. Right, so then with the more children you have, the more you can show that it's not just, you know, oh, that was just happened because you only have two to compare. When you have 10 to compare, then you have a very rich set of data. Alors pour résumer, avoir plusieurs femmes, et dans le cas mentionné, six femmes, permet d'avoir plusieurs enfants et donc de faire des études très larges. Autrement dit, on a là d'excellents échantillons de population. J'imagine que ces documents doivent être à la fois très précieux pour les Mormons, mais en même temps, comment Mark a obtenu leur autorisation pour utiliser ces données assez personnelles finalement? Ah oui, c'est sûr que ces feuillets sont sacrés. Parce qu'effectivement, ce sont des documents religieux. Alors, Mark a eu la possibilité d'utiliser les données contenues dans tous ces documents parce qu'en fait, lui avait réalisé sa thèse en Italie, dans la vallée de Parme, où il devait reconstituer une population complète à la base de leur registre de population. Et justement, à ce moment-là, il a croisé la route de missionnaires mormons qui étaient venus pour tout microfilmer. On écoute son témoignage. They sent three people to microfilm in Parma, all of the records beyond what I had. I had 40 parishes. They wanted as much as they could get. So they set up a project there. And I, as an American graduate student who spoke Italian, was an interface between these three gentlemen and the people I was working with. So I knew, I got to know them before the suggestion that I look at Utah occurred. And then I just called them up. I had their names, I had their cards, and I said, this is the idea, what do you think? And they said, that sounds fine. So no, they've been very receptive. There's been no problems. Et donc c'est un peu le thème récurrent des articles, de montrer que les Mormons veulent préserver la généalogie de l'humanité, donc ils sont allés jusqu'en Italie à l'époque pour accéder à ces registres catholiques. Évidemment, les catholiques ne les voyaient pas d'un super bon œil, donc Mark a aidé à faire la négociation avec les prêtres des différentes paroisses. Donc en fait, les Mormons étaient redevables à Mark parce qu'il les avait vraiment aidés. Donc quand Mark a voulu utiliser, de retour à Salt Lake City, quand il a voulu utiliser leurs données, il avait les numéros de téléphone de quelques-uns de ces Mormons qui, il se trouve, avaient accédé à des postes à haute responsabilité dans la hiérarchie de l'Église. Donc finalement, ces Mormons ont accepté de laisser utiliser les données. Donc là maintenant, on en est au stade où Mark a tous les dossiers. Il a son ordinateur qu'il a obtenu grâce au financement qu'on a évoqué tout à l'heure. Maintenant, tout est classé, il faut insérer dans la machine chaque individu qui est sur les feuillets. Il faut les insérer un à un dans l'ordinateur, avec une façon très spéciale de faire les saisies, parce qu'en fait, il faut économiser l'espace. Donc, on rentre le moins d'informations possible et on les encode. Donc, c'était très fastidieux parce que c'était vraiment pas intuitif de faire cette saisie. Donc ils utilisent beaucoup des conventions de nommage avec des 0 et des 1 pour économiser l'espace. Vous imaginez, c'était vraiment un travail fastidieux. Mais l'ordinateur, donc, après toute cette saisie, fait son travail, c'est-à-dire que donc fait le traitement des données. Donc je vous rappelle, l'objectif, c'est d'identifier est-ce qu'il y a des familles qui sont plus à risque d'avoir un cancer. Est-ce qu'on retrouve ça dans la généalogie des Mormons? Et quand l'ordinateur tourne, les premières données montrent que oui, l'intuition de Marc était juste. Donc l'équipe de Marc identifie, grâce aux données de l'ordinateur, et bien, des grappes de familles qui sont atteintes par le cancer du sein sur plusieurs générations. Donc son idée maintenant, pour aller à l'étape suivante, bah, c'est d'identifier si dans ces familles, il y a encore des personnes vivantes, de les localiser, et puis de leur demander de pouvoir prélever leur sang pour isoler leur ADN. Donc l'équipe commence à ce moment-là à faire des collectes massives de sang. Je t'écoute, Sylvain, et puis je me dis que ce Marc Skolnik était à la fois sacrément inspiré et drôlement persévérant. Oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus parce que ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ça illustre une notion essentielle à mes yeux, c'est que les découvertes scientifiques sont rarement le fruit d'un hasard total. Elles sont au croisement d'événements qui s'entremêlent. Ou comme on dit, toutes les étoiles doivent être alignées. Oui, c'est ça. C'est cet alignement n'est pas le fruit du hasard. Parce que donc, si on reprend les différents points, si Marc Skolnik a convaincu les institutions de lui faire confiance, de lui donner de l'argent pour acheter un ordinateur et recruter une équipe, c'est parce qu'il était l'élève d'un grand professeur de Stanford qui s'appelle Luigi Cavalli-Sforza, qui est vraiment un ponte. Donc quand le comité de validation des subventions avait un doute, le nom de Cavalli-Sforza comme professeur de Marc Skolnik a vraiment ôté leur dernière réticence. De même, si Marc s'est intéressé à l'informatique si tôt, parce que donc on est dans les années 70, c'est parce qu'il était à l'université de Stanford. En Californie, à l'époque, il y a déjà des recherches sur l'intelligence artificielle, sur les robots. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et on parle déjà donc, d'informatique. Donc lui, il voit ça au quotidien à côté de son banc d'études. Et puis il y a autre chose, cette fois il y a un Français, c'est Louis Henry, c'est un démographe, et c'est lui qui a inventé le système de regroupement familial et toutes ces conventions, et c'est quelque chose que Marc a appris à l'école, et pour lequel il avait beaucoup d'admiration. Donc pour parvenir à cette découverte et à ses intuitions, c'est tout le terreau fertile de son université, où à la fois on a des grands professeurs qui ont défriché des pans de science, et il y a aussi toute cette proximité avec d'autres chercheurs et d'autres disciplines qui viennent inspirer les étudiants. Autrement dit, la caricature du génie isolé qui a des intuitions seules dans son labo, un moment eureka, ça tient pas longtemps la route. Oui, exactement, c'est ce que cette histoire viendrait confirmer. Et puis, il manque un autre ingrédient, en fait, pour souvent parvenir à une découverte, c'est la compétition. Et dans ce dossier, vous allez le découvrir, cette compétition pour la découverte du gène du cancer, du sein, était vraiment solide. Ah bon, qui est ce mystérieux rival de Marc Skolnik? Alors c'est une femme, c'est une ennemie personnelle même de Marc Skolnik. Donc c'est une ennemie, attention, sur le terrain de la science uniquement. Hein. C'est Mary Claire King, c'est une biologiste américaine qui était une ancienne associée de son laboratoire, mais avec qui il a eu quelques mésententes, quelques discordes. Alors quand Mary Claire King, elle, se met à travailler sur l'identification du gène responsable du cancer du sein, Marc Skolnik commence vraiment à s'inquiéter, et puis il a raison, parce que c'est une chercheuse éminente. Il la connaît bien, donc il a peur qu'elle découvre le gène avant lui. Et justement, en 90, elle va annoncer qu'elle a non pas identifié la séquence du gène, mais elle a identifié sa présence sur le chromosome 17. Donc c'est une grande annonce, et ça fait vraiment un grand bruit pour la science. Et d'ailleurs, c'est elle qui va baptiser le gène BRCA1, pour breast cancer, c'est vraiment elle qui est à l'origine de ce nom. On parle depuis le début de notre conversation de ce fameux gène. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi au juste ce BRCA1 que traquent tous ces labos? Alors BRCA1, c'est un gène qui produit une protéine qui répare l'ADN. Alors souvent notre génome a des problèmes. Alors, ça peut être dû à des facteurs extérieurs comme des radiations, mais ça peut être aussi simplement notre machine qui se détraque et qui commet des erreurs de recopie. Alors, la protéine BRCA1, elle aide à réparer l'ADN pour réprimer la prolifération cellulaire, c'est-à-dire que si jamais on a trop de cellules qui se développent parce que l'ADN marche mal, et ben ça va générer des tumeurs. Réprimer les tumeurs, ben c'est essentiel à notre survie. Le problème, donc, c'est que certains humains n'ont pas la bonne séquence de ce gène, c'est-à-dire qu'en gros, si on résume, si on compare l'ADN avec des lettres dans un livre, ben là, on pourrait dire que certaines lettres sont inversées et que ça fait des fautes d'orthographe qui empêchent la compréhension, en fait, au moment de lire le code génétique. Donc, évidemment, les gens qui ont BRCA1 muté ben, sont plus susceptibles de développer des cancers du sein ou des ovaires. Ok, je comprends mieux. Mais pourquoi, à l'époque, on cherche ce gène à tout prix ? En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment savoir où il est, l'isoler, en fait, c'est enregistrer sa séquence normale pour pouvoir, du coup, trouver quelles sont les différentes mutations. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un catalogue de mutations, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui sont différentes. Les lettres sont inversées de façon différente d'un patient à l'autre, mais on a quand même des modèles. Donc, on veut trouver toutes les différentes formes de ces mutations. Et pour ça, donc, eh ben, il faut identifier des gens qui ont cette mutation. Donc, ça, grâce à, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on identifie des familles, ces grappes de familles qui ont le cancer du sein, on peut se douter qu'elles doivent avoir toutes la même mutation. Si on veut faire ce catalogue de mutations, ben, c'est évidemment pour dépister les porteurs, c'est-à-dire est-ce qu'on on sera capable, en connaissant toutes ces séquences, eh ben, de faire des séquençages génétiques chez les patients et puis de comprendre qu'elles ont cette mutation. Et si on comprend qu'elles ont cette mutation, on pourra potentiellement, à l'époque on se dit, aboutir à un traitement. Et puis ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est une problématique importante parce que ces mutations ne sont pas rares. Alors, particulièrement dans certaines populations comme les juifs ashkénazes, c'est-à-dire les juifs d'Europe de l'Est, mais aussi on retrouve ces mutations dans un grand nombre de femmes. Donc, déjà à l'époque, on sait que c'est important et qu'il faut pousser un peu plus la recherche. Donc, ces labos, celui de Marc Skolnick, celui de Marie-Claire King, ont vraiment envie d'être les premiers à publier la séquence du gène. Ils savent que ça va défrayer la chronique scientifique, voire même toucher le grand public. Ah oui, c'est sûr, parce que ça touche tellement de gens qu'ils savent que là, ce n'est pas uniquement les scientifiques qui vont être sensibles à une telle annonce, ça peut être vraiment la plus large audience. Mais alors, revenons sur Marie-Claire King, justement. Parce qu'elle, elle a fait donc son annonce pour dire que le gène est sur le chromosome 17, elle va s'avancer encore un peu plus en disant qu'elle est toute proche d'isoler complètement la séquence. Donc là... Finalement, on a l'impression qu'à cette époque-là, donc dans les années 90, la partie est gagnée pour elle. Et comment réagit l'ami Marc à cette annonce? Je me doute bien un peu de ta réponse. Bah oui, oui, tu as bien anticipé. Évidemment, il va réagir très, très mal. Pour lui, c'est vraiment l'effet d'une bombe. Que ce soit sa principale rivale qui fasse cette découverte, il va remobiliser toute son équipe en leur disant « maintenant, il faut foncer ». On veut pas laisser tout ce travail, donc je vous rappelle ces années de recherche, cette intuition, cette saisie informatique, enfin tout ce qu'il a entrepris avec son équipe qui est nombreuse. Il peut pas concevoir de jeter ça à la poubelle et de se faire griller sur le fil. Donc pour être encore plus efficace, donc vraiment il redouble d'énergie, il va créer une entreprise commerciale baptisée Myriad Genetics en 1991, donc soit un an après l'annonce de Marie-Claire King, parce qu'en fait, il se dit qu'il va partager ses recherches entre un labo public et aussi une jeune pousse, parce que ça va stimuler tout le monde, et puis comme ça, il y aura un peu le côté industriel qui lui permettra peut-être d'accélérer et d'aboutir à la découverte. Mais vous allez voir, cette décision aura de lourdes conséquences. Mais d'abord, on va revenir sur la découverte en elle-même. On sent le suspense, Sylvain. Qui gagnera de Marc ou de Marie-Claire? Alors, donc là, on en est au stade où Marc a tous ses échantillons d'ADN. Il en a en fait plus que les autres, puisque comme il s'est servi de la population des descendants des Mormons, il a énormément de séquences d'ADN. Mais à l'époque, il n'y a pas de séquenceur automatique. C'est très fastidieux, il faut tout faire à la main. Donc il a toute son équipe là, qui essaie d'isoler la bonne partie du chromosome 17. Et alors comme je pense que c'est un véritable leader, toute son équipe va bosser jour et nuit. Et en 94, Marc et son équipe vont enfin isoler le gène. Alors, il va se passer ce qui devait se passer, c'est qu'il y a une chaîne de télé qui s'empare de la découverte et qui va révéler donc au monde entier qu'on a isolé ce fameux gène que tout le monde cherchait et que c'est Mars Koenig qui a gagné la course contre Marie Claire King et tous les autres labos, parce que depuis, il y en a des dizaines qui faisaient la même chose. Donc, il a grillé tout le monde et il a gagné grâce à toutes les données qu'il a collectées. Alors, Mark Skolnick a son labo, il a son équipe, il a son entreprise, il a ses actionnaires. À qui sera attribuée la découverte? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est donc en octobre 1994, il va y avoir une publication dans le prestigieux magazine Science. Donc là, ils annoncent ils appellent ça un candidat sérieux pour la place de BRCA1. Ils ne veulent pas s'avancer complètement en disant que c'est la découverte du gène, mais tout le monde a compris que c'est vraiment le gène. Et ce qu'il va faire simultanément à ça, c'est qu'ils vont aussi chercher un autre gène, BRCA2, qui est donc un peu qui a la même fonction et qui concerne aussi les cancers. Et donc ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que Myriad Genetics, donc l'entreprise de Mark Skolnick et de certains de ses associés, ils vont déposer un brevet. Et surtout, ils vont avoir l'exclusivité des tests des mutations BRCA1 et BRCA2. Et donc, à partir de 1996, donc on est 2 ans après la découverte, la compagnie se met à vendre des tests à 3 000 $ l'unité pour dépister les porteurs de ces mutations. Donc, on comprend qu'à ce prix-là, la démarche ne fait pas l'unanimité. Alors justement, j'ai rencontré un médecin de l'hôpital Glenn à Montréal, qui est un spécialiste du cancer du sein. Au moment de la publication du papier dans Science, il travaillait justement dans un labo qui a co-signé l'article. On va l'écouter. Ok, je m'appelle William Faust, je suis médecin et je travaille à l'hôpital. We knew that Myriad had found the gene, we knew they were going to patent it. We thought they were going to sell kits. That's what we thought. They were going to, that was the model. Like monoclonal antibodies, you know, Caesar Milstein and Kohler, who discovered monoclonal antibodies, they never patented anything. And people say, oh, this was the greatest tragedy of all because they would have made millions. But, you know, I think the point was Myriad lost a lot of goodwill. I mean, everybody didn't like them for a while because people felt it wasn't right. It just wasn't right to patent these genes. After all, they'd all given their DNA freely to researchers. Everyone had, you know, it was a race to find their gene. We're all competitive people, obviously, right? Everybody wants to do well, be first, or at least, like in the Olympics, you want to do your best. You want to, you know, it's the same. You want to do all this work and then say, well, I don't care what happens. Everybody was invested. But there's a difference between that and then saying, well, now I've won, I'm keeping all the medals. You know, I mean, it seemed like to us that if they'd patented it and then sold the kits, we would have said, okay, that's, I get that. They want to make testing available. But then when they said everyone had to send their samples to Utah. On dirait que cette pratique n'a pas trop plu à la communauté scientifique. Tout le monde s'attendait à ce que Myriad fasse payer ses tests, mais ce que je comprends, c'est que les chercheurs n'ont pas apprécié que la compagnie ait l'exclusivité du dépistage et qu'elle le fasse payer très cher. William évoque le prix Nobel de médecine César Milstein, qui aurait pu breveter ses anticorps et aurait pu gagner des millions. Et ce chercheur s'est contenté du prix Nobel, qui, il faut le dire, vient quand même avec $1 million. Mais avec Myriad, Mark Skolnick a dû gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce que le public a bien réagi à cette utilisation de la science? Ah non, pas du tout, évidemment. Ce qui a d'ailleurs provoqué de nombreuses procédures juridiques. Alors, tout cela a fini devant la Cour suprême des États-Unis. Donc là, on est en juin 2013. Après des débats houleux, cette institution a légiféré. Et comme le marché des biotechnologies est dominé par les États-Unis, cette décision a fait jurisprudence dans le monde entier, finalement. Et donc, la Cour suprême a remis en cause le brevet de Mark Skolnick. Oui, tout à fait. Elle a jugé que l'on ne pouvait pas breveter une séquence génétique si c'est la nature qui l'a créée, même si on l'isole par des procédés humains. Donc, en 2013, 20 ans après, le brevet devient caduc et, évidemment, l'exclusivité des tests est levée. Et bien sûr, les compagnies privées maintenant se garde bien de déposer des brevets avec des séquences naturelles. C'est plutôt rassurant, non? Oui, c'est plutôt rassurant qu'on ne puisse pas breveter comme ça le vivant. Puis ce qui est intéressant aussi, ce que ça a déclenché, c'est que désormais, ces tests pour les dépistages des mutations BRCA1 et BRCA2, on peut les acheter à $99 sur Internet. Donc, on va dire que la pratique, grâce à ça, s'est démocratisée. Et en tant que fille d'une survivante du cancer du sein, je te pose la question, ça vaut le coup de faire ce test? Alors, j'ai posé la question à William Fox. On va écouter sa réponse. So, to my mind, I think the risks, if we just do BRCA1-2 and maybe PALB2, the risk of harming people is relatively low. And the risk of doing good is high because half the families, half the gene carriers, we do not find through conventional methods because their family risk, their family history isn't very strong. If it's all on the father's side, if the father has two brothers, those brothers don't have any kids. I mean, I know of families where it was the relationship, the two women who had the mutation were related in the following way. It was the first woman's father's brother's son's daughter. That was the connection. They didn't actually know they were connected. They didn't know, they knew they were related, but they didn't know the fact. They actually knew the person who hadn't been tested knew that other person had a mutation, but she thought, well, hold on a minute, it's distant to me. This person is my second cousin. But because it was her father's brother's son's daughter, she didn't kind of cotton on that, there's no women between the two of them. And you can have that. It's not that rare, actually. Le professeur pense donc que ça vaut le coup pour BRCA1 et BRCA2 parce que l'on sait comment prendre en charge les patients qui ont la mutation. On connaît les probabilités, selon les âges, de développer la maladie. C'est intéressant son exemple où cela saute une génération, car il n'y a que des garçons dans cette génération. Et parfois, on oublie que l'on vient d'une famille à risque. Bah oui, c'est intéressant évidemment de faire ce dépistage si on est dans une famille à risque. Et puis, on sait aussi qu'il y a maintenant des mutations qui apparaissent, des novos. Donc voilà, c'est en fonction d'un certain nombre de critères. Les médecins décident maintenant d'envoyer les femmes vers un circuit de dépistage pour jauger ce risque et puis parfois eh bien prescrire l'ablation des ovaires et des trompes dans le cadre d'un potentiel risque de cancer des ovaires ou pour le sein eh bien la fameuse ablation des seins comme on en a entendu parler avec une célèbre actrice. Donc c'est des choses qui se produisent et qui sont maintenant bien gérées dans les circuits médicaux où on explique aux gens un peu le devenir de la maladie potentielle. L'autre chose qu'il faut souligner et qui a changé, c'est que maintenant, il y a un traitement pour le cancer du sein qui peut venir à la place de la chimiothérapie. Donc c'est un traitement qui s'est développé depuis le début des années 2000, donc qui a subi beaucoup d'études avec des essais cliniques sur des vraies patientes. Et ce qu'on observe, c'est que ce traitement a de meilleurs résultats qu'une certaine chimiothérapie et que aussi ce traitement permet parfois une meilleure vie au quotidien avec des conséquences moins douloureuses que la chimiothérapie. Donc ça laisse les médecins assez optimistes. Et d'ailleurs, on va écouter un des médecins français qui prescrit ce traitement, qui connaît vraiment ce traitement et qui va nous en parler. Donc moi, je suis le docteur Frédéric Sell. Je suis le chef de service du service de cancérologie Croix-Saint-Simon à Paris. Alors, pour le cancer du sein, il y a une étude qui s'appelle Olympiade, qui a été publiée dans le New England Journal de mémoire, qui a été présenté à l'American Society of Clinical Oncology à Chicago, montrant un bénéfice chez les patientes qui étaient mutées, également en métastatique. L'olaparib sera disponible probablement en France fin avril 2018, en termes de commercialisation. C'est ça, chez les patientes mutées, ça fait mieux qu'une chimiothérapie en rechute. Alors finalement, le présent est porteur de promesses, mais si tu permets, revenons dans le passé. Qu'est-ce qu'il est advenu de Marc Skolnik, il me semble, de ce que j'entends? Est-ce que son histoire s'est bien terminée? Alors Marc Skolnik, effectivement, toute cette histoire du brevet, cette guerre avec Marie-Claire King. Alors c'est vrai que sa réputation scientifique a été un peu entachée par ça, mais en tout cas, je pense que l'entreprise Myriad Genetics a gagné pas mal d'argent. C'est une entreprise qui est cotée en bourse, c'est une entreprise qui existe encore. Donc, Marc Skolnik a certainement bénéficié de tout cela. Mais quand même, j'avais envie de lui faire justice, parce que souvent, les points de vue sont très en faveur de Marie-Claire King. Il y a notamment un livre assez célèbre où, cette course la met plus elle en valeur, même si elle l'a perdue, finalement, c'est elle qui en a retiré quelques lauriers. Moi, j'ai envie de rendre justice un peu à Marc Skolnick, parce que le tableau n'est pas tout noir de son côté. J'ai envie d'évoquer plusieurs choses. La première, c'est que la base de données de la population de l'Utah, elle existe encore. Donc, celle qu'il a déclenchée pour faire cette étude, finalement, elle a maintenu son existence. Elle s'est même développée. Et aujourd'hui, il y a une équipe qui est dirigée par Ken Smith, qui rajoute d'autres sources de données dans cette base. Et cette base, elle permet de faire énormément d'études. Elle a permis de découvrir d'autres gènes, un peu comme BRCA1, BRCA2, des gènes vraiment importants pour la santé humaine. Donc ça a déclenché plein de découvertes. Donc ça, c'est important de le souligner. Ensuite, le fait d'avoir identifié le gène dès 1994, ça a permis de poursuivre les recherches et notamment d'aboutir à ce fameux traitement là qu'on a évoqué. Et puis finalement, en soulevant cette possibilité de breveter le vivant, il a soulevé une problématique très importante qu'on a finalement réglée. Donc quelque part, c'est positif aussi parce qu'on a avancé là-dessus sur cette façon de protéger les créations de la nature. Un grand merci, Sylvain, pour ce récit fascinant sur une réalité, ma foi, totalement méconnue. On peut en découvrir davantage sur le site de Québec Science, où Sylvain signe un long papier sur cet immense arbre généalogique reconstitué par les Mormons. Et je vous invite également à écouter notre série balado « La voûte éternelle » sur iTunes, qui retrace en 4 épisodes la quête généalogique des Mormons. Ce balado est une coproduction du magazine Québec Science et de Sylvain Lombroso. Il est réalisé par Sylvain Lombroso. Prise de son, Daniel Capeille. Conception sonore, David Lavesse. Si vous aimez l'émission, faites-le nous savoir sur iTunes. On aime les étoiles, surtout quand elles sont au nombre de 5. Vous pouvez suivre Québec Science sur Facebook et Twitter et consulter notre site au www.quebecscience.qc.ca. Merci Sylvain. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt. Thank you.